on l'a appris vendredi que le gérant des voyageurs de Jonquière, Robert Fatal, quittera ses fonctions à la fin de la saison. Robert Fatal qui s'en va maintenant à l'Académie de baseball dans le secteur de Montréal. Question de savoir un peu davantage c'est à quoi consiste sa nomination là au bout du fil. Salut Robert! Oui, ça va bien. Robert, d'abord, à quoi consiste ta nomination? J'imagine, c'est quoi? C'est de pousser des Québécois vers les ligues majeures, quoi? Parce que depuis quelques années, il y a une baisse, là. Oui, exactement. Ben, mon travail, c'est que je deviens le directeur général puis l'entraîneur-chef de l'Académie de baseball du Canada. C'est le Centre national d'entraînement qui se trouve à Montréal, au centre Claude-Robillard. Okay. Mon travail va être de superviser, d'encadrer les meilleurs joueurs de baseball de 17 à 20 ans pour un objectif de placement sur l'équipe nationale, repêchage du baseball majeur et placement et conseiller les jeunes vers les collèges universitaires américaines dans la NCAA. Okay. C'est de pousser un petit peu, c'est de mousser un peu le baseball, parce que le baseball de tous les sports, là, c'est probablement le sport le plus difficile à atteindre les majeurs. Il y a tellement d'étapes, puis c'est pas tellement dispendieux. Là. Je pense, j'écoutais Alex Agostino dire la semaine passée que le jeune reçoit 1500$ par mois. C'est sûr qu'il est logé, nourri. Sauf que ça, faut vraiment être un passionné pour vraiment, là, quand tu sais qu'au basket, quand tu sais qu'au baseball, au hockey également, c'est plus facile, là. Il y a moins de paliers, en tout cas. Ouais, exactement. Un coup qui est repêché au baseball majeur, c'est 6 paliers que tu as à franchir avant d'arriver aux ligues majeures. Puis quand on regarde ça, ben ça c'est sans compter tout ce qui peut jouer comme baseball, exemple en République dominicaine, si on regarde cet espace-là, que eux aussi, certaines équipes du baseball professionnel ont un autre accès là, de réseau de développement là, dans des pays. Pourquoi que dernièrement il y a eu une baisse? Pourtant, il y a des Québécois quand même. Le baseball est à la hausse d'inscription. Il y avait eu une baisse considérable suite au départ des expos. Mais là, maintenant, on dit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui est Baseball Québec depuis 2009, depuis qu'Éric Gagnon a fait son retour avec les Capitales, puis on parle du retour du baseball. Les jeunes sont revenus au bercail. Pourquoi il y a moins de jeunes repêchés? Parce qu'il y en a 4 actuellement au baseball affilié. Luc Carlin était le dernier. Puis là, cette année, il y en a eu 2 qui ont été repêchés, soit Benjamin Pelletier et par les Phillies de Philadelphie et Marc-Antoine Bérubé. Y a-t-il une raison particulière pourquoi on retrouve moins de Québécois maintenant? Je vais te poser une question simple j'aimerais que tu répondes par oui ou par non. Est-ce qu'il y aurait autant de joueurs qui pratiqueraient le hockey qui serait pêché si on n'aurait pas les Canadiens? C'est clair. OK, mais là, ce que je veux dire par ça, je ne veux pas comparer les expos canadiens de Montréal, loin de là. Là, on se comprend. On est un pays de hockey avec une religion hockey. Le débat est terminé là-dessus. Ce que je veux dire, je pense qu'il y a des facteurs à ça. Écoute, je pense que le monde s'ouvre sur beaucoup de choses. Quand j'étais jeune, l'été, on joue au baseball et puis l'hiver, on joue au hockey. Y a plein d'autres sports extrêmes et non extrêmes qui sont arrivés. Les jeunes ont le loisir de pratiquer plus d'un sport aussi à la fois. Fait que c'est sûr que c'est un phénomène. Et oui, t'as raison. Depuis 2009, autant même ici au Saguenay que partout sur l'ensemble de la province, le sport du baseball est de plus en plus pratiqué. On a toujours des augmentations à chaque année. Et pour ma part, je crois que c'est un phénomène qui est relié à ça, c'est qu'on est dans une génération presque, je peux dire un peu le 27-48, là, que ces nouveaux hommes, papas-là, ben eux, quand ils étaient jeunes, pratiquaient également le baseball et le hockey. Alors, c'est un premier réflexe d'envoyer son jeune jouer au hockey. Puis, ça dépend aussi de ton sport, comment que la pyramide est faite. Puis, c'est pas à moi d'analyser les autres sports, mais sache que le positif de tout ça, c'est que le baseball est en croissance. Et puis, on voit, même ici dans la région du Saguenay à l'extérieur, ben il y a de plus en plus de terrains de baseball qui avaient disparu, qui sont en train de retrouver. Oui, effectivement. Après le départ des expos en 2004, il y a eu une période de deuil où les gens ne voulaient plus rien savoir du baseball. Mais là, je pense que plus ça va, plus. plus ça monte avec là, on parle du retour des expos également. Donc, maintenant, si on parlait du défi qui t'attend, donc ça, tu vas coordonner un petit peu l'académie de baseball. Il va-t-il y avoir des matchs, j'imagine, quand il va-t-il y avoir des tournois? Comment ça va fonctionner en fait? Eh bien, premièrement, de septembre de 2015 aller jusqu'à la fin mars 2016 va être une année, un hiver de transition. Okay. La grosse différence majeure pour l'Académie de baseball Canada, c'est son calendrier d'automne. Au jour que je parle aujourd'hui, on a 20 matchs de cédulés où est-ce qu'on va aller jouer un peu partout contre des universités et collèges américains dans le nord-est des États-Unis. Et va s'en suivre la grosse tournée au milieu octobre qui va couvrir l'Oklahoma, le Missouri, Kansas City. Où est-ce qu'on va avoir encore là, l'ABC va être résident sur certains campus des collèges, universités, et qu'on va pouvoir pratiquer puis vivre au mode de comment que ça se passe un petit peu aux États-Unis. Puis il va y avoir en même temps des recruteurs professionnels ainsi que des coachs de divers collèges qui vont pouvoir venir épier nos joueurs. Puis nos joueurs vont avoir la chance de montrer leur savoir-faire. OK. Si on parlait maintenant, c'est l'Académie du baseball du Canada, donc c'est ce qui est basé à Montréal. Mais est-ce que les Blue Jays, est-ce qu'il y a une association entre cette académie-là et les Blue Jays? Bien, le partenariat avec les Blue Jays, ça fait beaucoup plus au niveau de Baseball Québec. Mais les Blue Jays, c'est une organisation qui redonne beaucoup au sport amateur, dont ils organisent des gros événements, le T12, qui est appelé le gros tournoi, qui regroupe les 12. Chaque équipe, chaque province du Canada, ça fait une équipe. Et puis, certaines provinces peuvent faire deux équipes. Et puis, ça se passe, un gros tournoi qui se passe du 14 au 18 septembre sur la surface de jeu des Blue Jays. Au centre Rogers, effectivement. Là, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec les voyageurs? Tu restes directeur général, de la manière que j'ai pu voir l'article de Dave Hensley. Tu restes directeur général jusqu'à la fin de ton contrat de 2018, c'est ça? Oui, moi j'ai demandé à Baseball Québec de pouvoir rester directeur général de l'organisation. Okay. Ainsi que j'ai fait la demande auprès de M. Roger Brulotte, président de la Ligue élite du Québec. Après discussion avec Ville Saguenay et puis mon conseil exécutif, je trouvais que c'est une bonne chose que je puisse rester. Mon temps et mon mandat pouvaient me permettre de rester à la barre de l'organisation. Et puis, ça a été accepté de part et d'autre. Maintenant, ce que j'aurai à faire, c'est trouver un nouvel entraîneur, une nouvelle équipe d'entraîneurs qui va remplacer moi et mon staff. Est-ce que des personnes de mon staff pourront prendre la relève ou seront impliquées dans la nouvelle équipe d'entraîneurs? Ça va être à voir à discussion, mais le gros du changement, ça va être écouté. Tu donnes combien de temps à peu près pour trouver ton entraîneur jusqu'à la fin, l'hiver prochain, quoi? Bon, je te dirais que d'ici à mi-décembre, là, écoute, si ça arrive dans 3 jours, ça arrivera dans 3 jours, mais si ça arrive juste dans 3 mois, on n'est pas en retard. J'ai déjà même des personnes qui ont montré un intérêt. Alors, je pense que maintenant, le Saguenay est une place choyée pour entraîner. On a des installations de premier plan. On a une belle relève au niveau de l'organisation et de la structure qui est en dessous des voyageurs. Fait que, et on sait que les voyageurs ont quand même fait la demande de recevoir les championnats canadiens juniors en 2017. Fait que, il y a un beau buzz en ce moment autour des voyageurs. Puis c'est une place qui... Okay. Ben, Robert, on va te souhaiter la meilleure des chances. C'est une belle opportunité pour toi. C'est de valeur pour les voyageurs, mais à quelque part, tu restes dans l'organisation. Fait que je pense que tu seras pas tellement loin. Ouais. Exactement. Ben, Robert Fatal, félicitations, puis on va se reparler peut-être un autre tantôt. Voilà l'instructeur-chef et directeur général des voyageurs de Jonquière, Robert Fatal.